Chapitre 3e, les deux itinéraires. Que s'était-il passé dans l'esprit de Jules Régnier, dit sans patience. On en est réduit aux suppositions. Pourtant, nous qui connaissons mieux notre héros, nous pouvons penser que les motifs qui lui avaient fait accepter l'héritage de son oncle étaient d'ordre divers. D'abord, même pour un stoïcien bourreau et hargneux, la vie finit par n'être pas gaie quand, à 34 ans, on vit toujours seul, sans famille, sans parents, sans amis. De plus, ce n'est pas impunément qu'on dit à un homme, même ne manquant de rien, il ne tient qu'à toi d'être à la tête de 30 millions. Enfin, et peut-être était-ce là le principal motif de son acceptation, son caractère combatif s'accommodait fort bien du désir de triompher des difficultés suscitées par la volonté de son oncle défunt. Et puis cette aventure, en le sortant de son milieu et de ses habitudes, le distrairait un peu. Telles durent être les raisons de son patience, raisons, répétons-le, qu'on est réduit à supposer, le personnage étant, comme on le sait, fort peu communicatif de son naturel. Celui qui, l'après-midi du mardi 3 octobre 1912, aurait assisté à sa rentrée chez lui, l'aurait vu s'installer dans ce fauteuil de la salle à manger que nous connaissons et fumait pipe sur pipe en réfléchissant. Le testament comportait deux conditions bien distinctes à remplir. Ce fut à la seconde, celle qui consiste à se faire un ami dans le délai de 6 mois, que sans patience pensa tout d'abord comme à la plus difficile. Il y songea le temps de fumer deux pipes, cherchant parmi ses relations l'homme invraisemblable qui, le connaissant, pouvait devenir son ami, ainsi que le compagnon volontaire d'un voyage qui pouvait être très court comme il pouvait être fort long, et dans tous les cas dangereux. Puis, là, de remuer sans succès les idées les plus contradictoires, sans patience finit par se dire que le meilleur était, en cette occasion, de s'en rapporter au hasard. Il allait être obligé, sans nul doute, de sortir de son milieu, de voyager, de fréquenter bien du monde. Mieux valait, dans ces conditions, laisser aux circonstances le soin de trouver le pilade hypothétique de cet Oreste peu sympathisant. Ceci décidé, restait la grande question du voyage. L'itinéraire Verdun-Philadelphie via le détroit de Bering était-il possible? Sans patience avait fait des études assez complètes, bien que son exécrable caractère eût été en son temps un obstacle insurmontable à l'obtention du moindre bachot. La géographie notamment lui avait toujours plu. Il voyait donc de tête, si l'on peut dire, cet itinéraire qui représentait presque le tour du monde, la largeur de l'Atlantique en moins. Il avait en somme à traverser toute l'Europe, toute l'Asie et toute l'Amérique du Nord. Ce voyage ne devait pas être impraticable. Pour traverser l'Europe de l'ouest à l'est, il avait l'Express Orient et pour traverser l'Asie, le Transsibérien. Il est vrai qu'il fallait quitter le Transsibérien quelque part dans les environs d'Irkoutsk ou de Balkaï, pour de là s'élever vers le nord-est par des moyens de locomotion infiniment moins rapides, à cheval ou en traîneau. C'était approximativement, à son estime, 2500 km à faire dans cette partie de la Sibérie septentrionale, au milieu de vastes solitudes et sous un climat glacial, puisqu'il devait approcher d'assez près le cercle polaire pour pouvoir atteindre le détroit de Bering. Puis, celui-ci franchi, peut-être en traîneau sur la mer gelée, c'était l'Alaska, désertique et glacé lui aussi. Enfin, après l'escalade des premiers contreforts des montagnes rocheuses, encore des centaines de kilomètres à faire dans les solitudes canadiennes avant de pouvoir aborder par le nord les États-Unis. Une fois là, par exemple, ce n'était plus qu'un jeu de gagner Philadelphie par chemin de fer. C'était un voyage peu rapide, très rude et peut-être dangereux, mais nullement impossible à effectuer avec de l'organisation, de l'endurance et du courage. Mais il s'agissait d'affronter pendant des mois la rude température polaire, et sans patience était presque aussi frileux que hargneux, ce qui n'était pas peu dire. Et puis, un calcul rudimentaire lui permit de se rendre compte qu'il avait au moins 5000 kilomètres à faire sans autre moyen de locomotion que ses jambes ou celles d'animaux de trait. Des préparatifs sérieux étaient en outre nécessaires, car on ne peut s'aventurer sans précaution en ces contrées désertes et glacées. Tout cela demanderait du temps et n'irait pas sans aléas, car il serait obligé de partir en plein hiver, à l'époque des froids les plus rigoureux, qui peut-être l'obligerait à s'arrêter en route. et pour effectuer un pareil voyage, le délai de 6 mois paraissait un peu court à Sans Patience. Restait l'autre itinéraire, franchir l'Atlantique, mais sans le secours d'aucun bateau. Des bateaux qui vont sur l'eau. L'oncle défunt ne voulait pas en entendre parler. Il faudrait donc traverser ce vaste océan, sur une largeur de 5 720 km, en ballon ou en aéroplane. La première fois que cette idée lui vint, Sans Patience haussa les épaules à lui-même. Outre qu'il éprouvait une invincible répugnance à l'idée d'avoir recours à ces engins modernes de locomotion, il savait que, quels que soient les progrès faits ces dernières années par la science de l'aéronautique, elle était encore dans l'enfance et que tout ce qu'on avait pu traverser jusqu'alors en fait de mer, tant en ballon qu'en aéroplane, c'était la Manche. Car il ne fallait pas compter pour valable les audacieuses tentatives de l'infortuné lieutenant Bague au-dessus de la Méditerranée. Or, la Manche a 40 km de largeur, et entre Le Havre et New York, l'Atlantique mesure dans le même sens 1 430 lieues, c'est-à-dire exactement 5 680 km de plus. Les chiffres étaient tellement éloquents qu'il condamnait l'idée même d'une tentative de ce genre. Pourtant, Sans Patience était ainsi fait qu'entre deux projets, l'un qui était réalisable quoique difficile et l'autre qui semblait impraticable, il se sentait invinciblement porté à choisir celui qui paraissait impossible. Peu à peu, ses préventions contre le deuxième itinéraire firent place à des hésitations qui, elles aussi, ne tardèrent pas à disparaître. Et il fuma 3 pipes en remuant cette idée. « C'est impossible, donc je dois le faire. » Le résultat de ses méditations fut qu'il alla dîner de bonne heure, qu'il se coucha de même, et que le lendemain matin, il prit le train de 7h29 qui l'amena à Paris. Sans Patience venait d'ouvrir l'ère de ses aventures.